bienvenue à votre podcast hebdomadaire du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Allô, allô, bienvenue au Lobster 81.0. Quoi de neuf? Moi, rien. Ben, je suis vivant. Et durant une pandémie avec un virus qui tue, ça contre d'être vivant. Mais sinon, ça avance bien. Cette saison 3 du Lobster, on est bien parti pour atteindre l'épisode 100 un jour. Ce qui sera une belle réussite, à mon avis. On fera une grosse fête, je vous le promets, avec des milliers de dollars en prix. Honnêtement, j'aurais pas cru toffer aussi longtemps. Si on compte les 5 épisodes officiels du début où je testais et cherchais les bons réglages, on est quand même à 85 épisodes. Ce qui est bien, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à télécharger le Lobster d'après ce que je vois. Eh bien, merci d'écouter mes histoires pas toujours palpitantes, mais que je ne peux pas vraiment changer, car c'est réellement mon histoire et ce qui arrive. J'aime bien le format actuel du Lobster, un mélange de musique, de mes histoires, le tout entrecoupé de petites choses qui me font rire. Donc, ce format est là pour rester. J'ai regardé les stats tantôt et on aurait une audience totale de 1099 écoutes sur un mois, donc pour 4 épisodes. Donc, environ 275 auditeurs par épisode. Donc, 275 fois high five sur le coude à tous. Bon, ceci étant dit, je pense que c'est le temps de souligner quelque chose d'autrement plus important, le genre de choses sur lesquelles j'accroche sans le vouloir. Octobre est le mois du nanisme. Et oui, donc je sais pas trop ce qu'il faut dire, bravo, car j'imagine qu'il faut faire ce cours. Chaque petit geste compte. Parlant de nains ou de petites personnes, ou peu importe le nom politically correct qu'il faut utiliser, je me demande bien quels sont les nains qui vous ont marqué. Moi, j'en ai plusieurs. Je pense que le premier qui m'a marqué vient de ma lointaine enfance. Hervé Villechaise. Bon, ça vous dit sûrement rien. Même moi, j'avais pas retenu son nom. Mais si je vous dis Ricardo Montalban, est-ce que ça vous sonne une cloche? Moi, j'ai toujours retenu ce nom. Ricardo Montalban. Un nom trop peu commun. Un nom resté gravé dans ma mémoire. Ricardo était l'acteur principal dans la série L'île fantastique. Un genre d'île où trois personnes venaient à tour de rôle pour vivre le rêve qu'ils voulaient. Et vous vous souvenez sûrement pas de qui était l'aide de Ricardo? Eh bien, pour faire vivre leur rêve aux gens, il y avait le petit atout. On écoute un minuscule extrait. Vite, Atout, dépêchons, nous ne devons pas être en retard. Mais j'aimerais être en retard. Aujourd'hui, j'aimerais être en retard. Allons, il y a longtemps que nos clients souhaitent réaliser leurs fantasmes. Nous n'avons pas le droit de les faire attendre une seconde de plus. Un petit sourire, tout le monde. Il faut que nos clients se sentent les bienvenus. Ah, monsieur Chuck Hoffman, je te conseille de ne pas le perdre de vue. Pourquoi? Mais l'important pour nous, c'est qu'il paye le prix fort, hein, patron? Si tu veux tout savoir, il a gagné un concours. Il vient ici sans payer. C'est vrai? Alors, je vois pas ce qu'il a de particulier. Oh, rien du tout. Il n'a rien de particulier. Et en fait, monsieur Chuck Hoffman se classe dans la catégorie du citoyen moyen. C'est son fantasme que tu vas trouver quelque peu original. Il partage un des tiens. Un des miens? Monsieur Hoffman voudrait passer 48 heures parmi nous. Et attention, il veut être irrésistible auprès des femmes. Irrésistible auprès des femmes? Vous croyez que c'est possible? Enfin. Et voici Monsieur Hôtel. Monsieur Hôtel? Il voudrait que ses amis et que ses associés lui donnent ce surnom. En fait, il s'appelle Fred Wade. Depuis près de 23 ans, il équipe tous les hôtels du pays. Il n'y a pas un état qu'il n'ait pas parcouru. Il est avec sa femme, Jane. Ils ont une maison, trois enfants, un chat qu'ils ont appelé Elmer, et un petit terrain près de Topeka. Et Monsieur Hôtel est venu nous vendre un produit? Oh, parfaitement exact, mon cher Tatou. Le produit le plus important qu'il ait jamais eu à vendre de sa vie. Et il se trouve dans cette mallette. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose pour lequel il donnerait sa vie. Et à mon avis, mon cher Tatou, tu accepterais certainement de prendre sa place. Mes chers amis, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Oui, bienvenue à tous. Pour moi, c'est un beau souvenir. Tatou était le nain qui aidait Ricardo Montalban dans l'émission. C'était comme son bras droit. Mais ne vous essayez pas à écouter cette émission sur YouTube. Ça a vraiment, vraiment mal vieilli. Déjà que Tatou a une espèce de voix de Daffy Duck en français. Et en passant, qu'y avait-il dans cette mallette? Je suis allé voir plus loin dans l'épisode pour assouvir ma curiosité et c'était simplement des photos de l'hôtel Le Perroquet Bleu, un hôtel que la personne avait le goût d'acheter. Donc, revenons à octobre, le mois du nanisme. Étant qu'à célébrer le mois du nain, j'ai fait mon curieux et j'ai été voir le site des gens de petite taille du Québec. Et on y explique de quoi que je ne savais pas. Plus de 80% des personnes de petite taille naissent dans des familles sans aucun antécédent de nanisme. La prévalence du nanisme est de 1 naissance sur 10 000. Il y aurait une centaine de maladies qui peuvent causer le nanisme. Au Québec, d'après ce que je lis, nous aurions entre 3500 et 5000 nains. Je comprends pas trop pourquoi c'est une stat approximative, il me semble que c'est possible de faire le décompte, pas juste de nous fournir un à peu près. Mais bon, j'ai rien trouvé de plus précis. Je sais pas pourquoi, mais ce sujet des nains me rend heureux. Je l'ai déjà dit à la blague, si je gagnais un gros lot de 70 millions de dollars, j'aurais des nains qui font des pirouettes et des roulades sur ma pelouse le matin sur mon terrain. Mais je sais même pas si je dis ça à la blague, ça me rend vraiment heureux juste d'y penser. Mais sachez que j'ai quand même un gros respect pour les nains de petite taille. C'est quand même une des 7 races de base à Dungeons & Dragons. Et ils ont beaucoup de qualités si on se fie au livre du joueur. En effet, les nains ont une grande connaissance des secrets de la Terre et leurs mystérieux royaumes taillés à l'intérieur des montagnes sont renommés pour les merveilleux trésors qu'ils produisent. C'est pas rien. Le nain a un bonus de plus 2 à la constitution, mais un moins 2 en charisme. Ici, je suis pas d'accord. Moi, j'aurais juste mis un moins 1 en charisme. C'est beau, un nain, ça mérite pas vraiment un moins 2 en charisme. Bon, la suite, le nain résiste bien au poison, connaissance de la pierre, vision dans le noir, c'est pas rien. Ils ont plein d'autres qualités qui font d'eux de très bons guerriers. Voici l'histoire d'un incapable de courir vite et de voyager loin. Dans son épopée formidable, nous le suivrons, une bière à la main. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas ceux de la surface. Allez, chauffe Ghibli, chauffe. Un jour, mon ancêtre Gurdil fut envoyé creuser dans la forêt. Y avait soi-disant du mitril. S'il y en avait, on sait pas où il se trouvait. Il fit sa cabane en bordure d'un bois touffu peuplé d'elfes sylvains. Des gens qui bouffent de la verdure. Évidemment, ça ne fait pas des bons voisins. Nous sommes les nains sous la montagne. On creuse le jour, on boit la nuit. Et on n'aime pas ceux de la surface. Hey, vas-y, envoie les tambours. Arrière, tu n'es pas bienvenu. Lui dire les elfes en lui jetant des pierres. Voyant que tout était foutu. Il prit la fuite en suivant la rivière. Il fut recueilli par les fées. Ondine bleue bulant sur le rivage. De l'eau de pluie lui fut donnée. Il recracha tout dans leur visage. Nous sommes les nains sous la montagne. On creuse le jour, on boit la nuit. Et on n'aime pas ceux de la surface. Ah bah ça c'est sûr hein. Courant à travers les fougères, il arriva près d'un village humain. Bien sûr qu'on y vendait de la bière, mais aucun homme ne voulait servir un nain. Gurdil massacra le patron du d'une taverne à coups de tabouret. Puis il rentra à la maison, et de la mine il ne repartit jamais. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas se la surface. Restons bien à l'abri, mangeons, buvons dans nos maisons de pierre. Là-haut, c'est peuplé d'abrutis. Allez, patron, resserre donc une bière. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas se la surface. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas se la surface. Je suis vraiment content qu'on célèbre les nains en octobre. Me semble que ça va rendre le mois d'octobre merveilleux malgré la pandémie et malgré la pluie qu'on a souvent en automne et malgré l'Halloween qui a des bonnes chances de passer dans la trappe à rat. Bon, allons-y avec un autre nain célèbre de mon enfance. Celui-là, plus facile à reconnaître. Sister Ciné Family. I heard you on the wireless back in 52. Mes enfants ont trouvé ce bébé tout seul au bord de la rivière quand... Cet enfant n'est pas comme les autres. Mon bébé, vous allez en tirer un. Le temps nous est compté. Et Laura Danan t'a choisi pour veiller sur elle. Montez la garde, ils sont nos prisonniers. Il vous faut un guerrier pour ce genre de mission. Je suis la plus fine lame qui ait jamais vécu. Petit par la taille, grand par le courage. Rassemblez tous les bébés. Si le bébé vient à mourir, l'avenir du monde est sans issue. Pas la peine d'être un géant pour devenir un héros. Willow, ce soir sur Sister. Ah, Willow et son compagnon Mad Martigan et Laura Danan à sauver. Un bon film, un très bon film qui se réécoute très bien. Ok, partons un peu en musique et au retour, on continue avec notre sujet de la semaine, les Hobbits. Mais juste avant la musique, je prends un peu de votre temps pour expliquer pourquoi on doit dire des personnes de petite taille plutôt que nains. Il y a des raisons bien simples, c'est technique en fait. En effet, si je vous dis... En regardant par la fenêtre, j'ai vu un aveugle dans le jardin. Vous avez une image assez précise de la scène que j'ai en tête. Celle d'une personne debout dans le jardin qui tient probablement une canne blanche pour se guider. Mais si je vous dis... En regardant par la fenêtre, j'ai vu un nain dans le jardin. Êtes-vous sûr de voir une personne? Ah! Certains pourront s'être imaginés avoir vu un nain de jardin. Donc, c'est préférable pour cette raison de dire... En regardant par la fenêtre, j'ai vu une personne de petite taille transportant un nain de jardin dans ses bras. Un autre exemple, si je vous dis... Lors de la réunion du conseil, 7 handicapés sont entrés dans la salle. L'image est assez claire. On ne se trompe pas sur ce qui est entré dans la salle de réunion. L'image est claire à moins d'avoir l'esprit tordu. Mais si je dis... Lors de la réunion du conseil, 7 nains sont entrés dans la salle. Là, c'est l'apothéose. Héros! Je suis sûr que certains d'entre vous ont pensé immédiatement à Blanche-Neige et les Sept Nains. Donc, d'utiliser le terme « nain » est venu enlever le ton sérieux et protocolaire lié à notre affirmation. Donc, notez-le, il aurait fallu dire « Lors de la réunion du conseil, 7 personnes de petite taille sont entrées en suivant Blanche-Neige et en chantant Blanche-Neige est aux oiseaux. Les nains sont chanceux.

move one space at a time. But queens are free to go wherever they like. You get too close, you'll get a royalty high. So breathe it in to feel alive. Queen, la dernière chanson, j'aime bien, je sais que ça joue pas mal en ce moment à la radio, mais c'est pas grave, j'avais le goût de la faire jouer. En passant, le vidéo est pas mal bon, la chanteuse Ava est pas mal cute quand elle joue de la guitare dans le vidéo. C'est à voir sur YouTube, car j'ai pas de licence pour vous diffuser de la vidéo dans un podcast audio. Bon, de retour à notre grand sujet de la semaine, les personnes naines de petite taille. Mini-moi? Mini-moi? Où es-tu? Ce serait pas possible de l'équiper d'une foutue clochette. Ah, t'es là. Apportez vite un crochet. Agrippe-toi au bout, on va te descendre. Tu es tout pour moi. Je t'adore. Tiens bon, mini-moi. Tu sais, s'il t'arrivait malheur, je ne sais pas ce que je ferais. Il est probable qu'avec le temps, je finirai par te remplacer, mais pendant 10 minutes, je pense que je serais vraiment inconsolable. Minimi, vous l'avez sûrement reconnu, un autre nain très connu, de son vrai nom Vernon J. Troyer. Il mesurait 81 cm et était, selon le livre Guinness des records, le plus petit acteur professionnel connu. Il est mort en 2018 suite à des complications liées à des problèmes d'alcoolisme. Chose intéressante à son sujet, que vous ne savez probablement pas, c'est lui qui jouait Gripsek dans Harry Potter. Gripsek, c'est un des gobelins qui travaille à la banque inviolable de Gringotts, et c'est lui qui est chargé d'amener Harry Potter à son coffre. Et savez-vous quoi? Autre découverte. Il n'a pas repris son rôle dans les Harry Potter suivants, non, mais qui l'a remplacé? Eh bien, c'est le nain qui a fait Willow qui a repris ce rôle. On en apprend des choses en lisant sur les nains. À partir d'ici, il est préférable que Bronn et moi continuions seuls. Préférable pour Tyrion, fils de Tywin, pas préférable pour moi. Si le bout d'homme tente de nous trahir, Shaga, fils de Dolph, lui coupera le membre viril. Il le donnera à manger aux chèvres, oui, je sais. Un autre nain très connu, si vous avez lu ou écouté la série Game of Thrones, vous avez reconnu Tyrion Lannister. Maintenant, un nain célèbre mais méconnu. Si je vous dis Kenny Baker, même si je vous montrais sa photo, très peu de gens le reconnaîtraient. Pourtant, il est extrêmement célèbre. Pourquoi? Car il se cachait dans R2-D2. Et oui, c'est lui qui articulait R2-D2 dans les 6 premiers épisodes. Et pourquoi n'a-t-il pas joué dans les derniers Star Wars? Tout simplement parce qu'il était mort, décédé de problèmes de santé en 2016. Et maintenant, finalement, un dernier nain célèbre, mon préféré. L'anneau doit être détruit. Qu'attendons-nous pour le faire? Bientôt, maître Elf, vous allez pouvoir apprécier l'hospitalité légendaire des nains. Un bon feu, une bière brassée. Une belle pièce de viande, car ceci, mon ami, est la demeure de mon cousin Balin. Et ils appellent ça une mine. Une mine! Qu'ils approchent, il y a encore un nain dans la Moria qui respire. Il est... Non, personne ne lancera un nain! Pas la barbe! Et oui, Gimli, le nain célèbre du Seigneur des Anneaux, le nain qui tombe en pamoison devant Galadriel. Ok, j'ai fait le tour des nains célèbres qui me venaient en tête. Maintenant, petit sujet connexe au mois du nanisme. Le lancer du nain, un sport interdit à divers endroits, une interdiction qui a causé de la tristesse chez plusieurs. À la suite d'un récent arrêté ministériel, le lancer de nains est interdit en France. Conséquence, Manu, 1m18, est au chômage. Il rêvait de faire du spectacle. J'avais une combinaison avec un harnais avec des poignées. Et puis le gars, il me prenait comme ça. Il faisait une, deux et trois. Ça fait... Mais c'est pas tout, parce que sinon ça serait pas un spectacle. C'est comme moi, quand j'arrivais avec une cape comme ça, j'avais une cape argentée, et je tournais comme ça autour du tapis, comme ça. Et je faisais trois tours, et au-dessus de ces trois tours, j'allais chez les filles, je les narguais, j'allais chez les balais, je disais, oh, non, non, pas lui et tout, non, non, il est trop gros, il va me jeter contre le mur, il se rend pas compte. Et puis ensuite, je me mettais en position, et puis le gars, il me prenait au bout 1, 2, et au troisième, il me jetait. Le lancer du nez est interdit car cette activité porte atteinte à la dignité humaine. Voilà pourquoi c'est interdit en France, en Floride, à New York, mais pas au Canada. Pour l'anecdote, en 1986, s'est tenu un championnat du monde de lancer de nez en Australie. Les vainqueurs et champions du monde qui détiennent toujours le record furent l'équipe britannique Team England de Londres, composée de Danny Blue, Roy Merrin et Lenny the Giant, un lancer de 11 pieds et 5 pouces. À noter qu'il existe diverses variantes au lancer du nez, dont le bowling de nez, pour ne citer que celui-là. Il y a quelques mois, un de mes collègues de bureau m'avait envoyé un lien vers un documentaire en lien avec notre sujet. Et en préparant l'émission, ça m'est revenu en mémoire. C'est plutôt intéressant, on écoute un petit bout et j'en jase après. Bienvenue au Royaume des Nains, c'est son nom. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue. Un parc de loisirs où tous les employés mesurent moins d'un mètre 35. Impensable en France, ici, il a ouvert ses portes il y a 5 ans. Bienvenue dans notre petit paradis. Nous allons vous raconter son histoire avec un grand spectacle musical. Pour 10 euros l'entrée, les touristes assistent à un show d'une heure et demie. En France, un tel spectacle pourrait heurter les sensibilités. Le nanisme est une maladie rare considérée dans notre pays comme un handicap. Alors, une telle mise en scène y serait jugée choquante. Mais ici, tout le monde trouve ça normal. Je les trouve cool, différents. Ils voient la vie en rose. Ils ont vraiment une énergie positive. Monsieur Chen est le directeur du parc. Bonjour, bonjour. Ça faisait longtemps qu'on vous avait pas vu. Avant de se lancer dans ce projet, l'homme d'affaires a fait fortune dans le secteur de l'énergie. Le Royaume des Nains, il y pensait depuis longtemps. Il voulait se différencier des fêtes foraines et il n'y voit aucun problème. Il compare même son parc à une œuvre de bienfaisance. Alors, M. Chen a du mal à comprendre le point de vue des autorités françaises. Vous avez une vision très réductrice. Comme tout le monde, les nains ont le droit de partager leur existence avec des compagnons. Or, qui se ressemble, s'assemble. Je leur offre donc cette opportunité de vivre ensemble et de s'épanouir. Pour ses employés, M. Chen a fait construire ce dortoir adapté à leur petite taille. Ici, ils sont une centaine, nourris et logés à l'année. Les marches, le lavabo et même la table de ping-pong ont été créées sur mesure. Une fierté pour le directeur. Qu'est-ce que tu frappes fort ? Il n'arrive pas à attraper la balle. La taille de la table a été spécialement aménagée pour eux. Ils sont plus bas que sur les tables normales. Les pieds ont été fabriqués sur mesure, regardez. En Chine, contrairement à la France, les personnes de petite taille ne touchent aucune allocation. Alors, la plupart d'entre eux considèrent ce travail comme une aubaine. C'est le cas de Pi Fen, 50 ans, l'un des plus anciens employés. Regardez, c'est ici que je vis. Voici ma chambre. Un de mes amis dort en haut. Et moi, je dors en bas. Au parc, Pi Fen et ses collègues gagnent en moyenne 200 euros par mois. deux fois plus que le salaire minimum. Un revenu qui leur permet de vivre correctement. Je n'aurais vraiment pas pu être aussi heureux ailleurs. Avec les collègues, notre boulot n'est pas très fatigant. On doit juste danser et chanter un peu. J'aime bien cette vie. À l'extérieur, c'est difficile pour nous de trouver un emploi. Ici, on ne souffre pas de discrimination. Et comme on est tous pareils, aucun d'entre nous ne se moque de l'autre. On est vraiment heureux ici. Je vois pas comment on pourrait être mieux ailleurs. L'année dernière, le spectacle de Pifen a attiré 200 000 visiteurs. Pour le moment, le succès est limité, mais la fréquentation ne cesse d'augmenter. En Chine, ce genre de projet a de grandes chances de se multiplier. Depuis que les Chinois ont droit au congé payé, s'amuser et voyager sont devenus des priorités. Un peu bizarre comme parc d'attractions, mais on dirait que ceux qui y travaillent sont bien contents. J'ai essayé de trouver le site en ligne pour me booker une visite, mais je trouve pas. Je me demande s'il n'a pas fermé à cause de la controverse. Mais bon, j'ai trouvé une agence chinoise qui inclut une visite à ce royaume des nains dans ses visites. Donc ça semble marcher encore. Maintenant, j'ai pas mal épuisé mon petit sujet, mais pour conclure, j'ai trouvé une vidéo très intéressante d'une personne de petite taille qui explique pourquoi on ne devrait pas dire le mot « nain ». Même si depuis le début que j'ai pas été très sérieux sur le sujet, je trouve intéressant de conclure avec ce vidéo. On l'écoute ensemble. Hey, salut tout le monde, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons passer une vidéo d'explication. Ça va pas être un coup de gueule, mais il y a beaucoup de commentaires en ce moment sur la chaîne qui fleurissent avec ce mot incroyable, c'est le mot nain. Alors évidemment, dans cette vidéo, je vais le prononcer très souvent, je pense que certains vont être satisfaits au vu des commentaires que j'ai pu lire, mais sachez que pour moi, ce mot, je le dis très peu sur la chaîne. Pourquoi ? Parce que pour moi, le mot nain, c'est très très péjoratif. C'est un mot qui est rabaissant, c'est un mot qui a une connotation très négative pour moi. Alors évidemment, oui pour vous qui n'avez pas l'habitude du terme, une personne de petite taille, bah, vous allez vous dire, oui j'ai croisé un nain dans la rue. Ah tiens regarde, c'est un nain. Oui, un nain, je suis un nain. Oui, je suis un nain. D'accord, pas de souci. Mais s'il y a une chose que j'aimerais vous faire comprendre aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que ce terme nain, c'est très blessant. Parce que ça désigne le handicap de la petite taille d'une manière très vulgaire. Pour moi, le terme nain, déjà, ça désigne un objet. Je ne suis pas un objet, je suis un être humain. Le terme nain était employé encore au XVIIe siècle, mais on n'est plus au XVIIe siècle. C'est fini ça. Le terme nain sert à désigner aussi des personnages dans le milieu fantastique. Des lutins, des gnomes, des nains. Je peux comprendre que des gamers, oui, me disent, oui, bah t'es un nain. C'est un terme qu'ils vont employer couramment parce qu'ils n'y voient pas quelque chose de blessant. Ils utilisent des nains dans leurs jeux vidéo pour aller faire la guerre aux elfes, pour aller faire la guerre aux hommes. C'est des populations fictives. C'est un jeu. Quand vous sortez du jeu, vous revenez dans le monde réel. Je ne suis pas un objet, je ne suis pas un nain, je suis une personne de petite taille. Alors, comme je vous le dis, je peux comprendre. Une personne qui a l'habitude de dire un nain, on me le dit aussi dans les commentaires, est-ce que c'est pas trop dur d'être nain ? Commentaire auquel je réponds, non, ce n'est pas trop dur d'être une personne de petite taille. Pourquoi ? Parce que j'essaye de rediriger la personne vers ce terme beaucoup moins blessant et qui, j'espère, comprendra justement par lui-même qu'il ne faut pas trop employer ce terme-là. À la limite, qu'il l'utilise entre potes, je veux bien comprendre, mais pas quand il y a une personne de petite taille avec eux. Parce que cette personne de petite taille peut être blessée, vexée. D'autres personnes de petite taille pourront peut-être comprendre. Mais nous ne sommes pas des objets. Nous ne sommes pas un nain de jardin. Nous ne sommes pas le nain de Blanche-Neige et les sept nains. Certains vont même le dire avec humour. Oui, c'est à prendre au second degré. Oui, d'accord. Mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, et ben on en a marre. Oui, c'est cool de faire des blagues. Mais au bout d'un moment, il y en a juste assez. Donc oui, encore une fois, je suis un nain, mais je suis une personne de petite taille. À vos amis, s'il vous plaît, dites, ne dis pas nain, dis personne de petite taille. Dites-leur que ça peut être blessant pour nous, dites-leur que ça peut nous vexer, et peut-être qu'ils comprendront et qu'ils n'utiliseront plus ce terme. Je demande pas que le mot nain soit banni du dictionnaire, bien loin de là, mais c'est offensant pour nous, c'est offensant pour moi. Au bout d'un moment, c'est sûr, on apprend à vivre avec, ça nous passe au-dessus. Tiens, j'ai fait de l'humour, évidemment, je suis plus petit, ça me passe au-dessus. Voilà, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer pourquoi je n'utilisais pas le mot nain et pourquoi j'utilisais le mot personne de petite taille. Je ne suis pas un objet, je ne suis pas un personnage de jeu vidéo, je suis un être humain qui va travailler, qui dort, qui mange, qui fait sa vie quotidienne comme tout le monde. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie d'essayer de comprendre mon point de vue, tout comme je peux comprendre que vous dites que je suis un nain, mais sur la chaîne, c'est une personne de petite taille. Voilà, je pense que c'est clair et c'est pertinent comme explication. Moi, ça m'a fait réfléchir. Maintenant, si je gagne 70 millions à la loto, je n'aurai pas de nains qui font des cabrioles sur mon terrain. Non, j'y ai réfléchi avec tout ce qu'on a parlé aujourd'hui dans le Lobster et je serai respectueux et j'aurai plutôt des personnes de petite taille qui font des cabrioles et des pirouettes sur mon terrain. Respect, c'est ça la morale de l'histoire. du chichon et non futur, non futur, non futur, non futur, non futur, non futur, non futur. On dit que je profite du système, mais beaucoup moins que Marine Le Pen, que Sarkozy, Hollande, Macron, et tous ces cons qui nous gouvernent, et tous ces cons qui nous gouvernent, oui je blanc du soir au matin. Qu'est-ce que c'est bien? Et souvent après déjeuner, oui je m'endors dans la télé, oui comme c'est con à l'Assemblée. Non futur, non futur, non futur, non futur, non futur, non futur, non futur. We'll be right back. braves gens, un bon à rien. No problemo. De toute façon, j'ai pas l'intention. No problemo. Ni d'aller me casser le cul pour une bande de trous du cul. De toute façon, il n'est pas question. No problemo. D'aller engraisser les patrons. No problemo. Quitte à avoir une vie de merde. No problemo. Je préfère rester à la maison à prendre des tracés du chichon. Et nanana, futur. Ma future, nanana, futur. Ma future, nanana, futur. Ma future, nanana. Je nous ai préparé un petit jeu bien belle fun. Ben, c'est ce que je pense. C'est un blind test. Le jeu, c'est de découvrir à partir de la musique des émissions de notre enfance. Dans certains cas, je vais vous faire jouer une version instrumentale au début, car souvent, ils nous chantaient le titre de l'émission dans la musique. Ça vous donnerait trop d'indices. Donc, on y va, comptez vos points. Chaque bonne réponse vaut le carré logarithmique de la durée de l'extrait. Et pour toute bonne séquence de trois réponses corrélées, ajoutez-vous, disons, un sinus intégral de votre âge multiplié par le nombre de questions. On y va, que le meilleur mathématicien gagne! C'est qui? C'est qui? Et là qui va là? Et là ça va pas? Oh là je suis là! Au fin fond de l'univers, à des années et des années-lumière de la Terre, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir, le capitaine Flamme. C'est qui? Celui-là était un petit peu plus difficile. C'était Les Mondes Engloutis. Suis Spartacus, Bob, Rebecca. Au bout. Sobakasu nante kinishina. J'espère que vous l'avez reconnu, même si la musique était en japonais, c'est Au pays de Candy. Et oui, c'est le fameux Goldor. Je sais pas si vous l'avez reconnu, mais c'est Fraggle Rock avec Madame Immondice. Oubliez la danse. Le plus petit, mais le plus fort. Dans la forêt, au milieu de tous ses amis. Il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Et oui, c'est le petit castor. Le 16e siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains? Ah ah, c'est un petit peu plus dur sans la musique. Donc ici, c'était les mystérieuses cités d'or. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Qui est un petit peu plus difficile ici, c'était Belle et Sébastien. Le prochain, faut deviner avant qu'il commence à chanter. J'espère que vous avez aimé notre petit blind test sur les émissions jeunesse. Évidemment, vous l'aurez remarqué, c'était des émissions de ma jeunesse. Donc, si vous n'avez pas autour de 46 ans, eh bien, il aura été plus difficile pour vous de reconnaître ces titres. On arrive déjà à une heure de ce Lobster et je parle encore. C'est ironique un peu que mon épisode spécial sur les nains soit en train de devenir un épisode un peu long. Mais bon, pour conclure ce quiz, je vous laisse sur un remix d'une chanson d'émission de jeunesse. Une émission que j'aimais bien et le remix un peu dance rend tout ça cute. On l'écoute et ensuite un peu de musique et notre épisode de Kaamelott. En passant, j'adore la chanson qui joue en background. Je vous donne son nom, c'est de l'album Rondo Veneziano. C'est la pièce Casanova, sortie en 85. Bonne poursuite de Lobster. Thank you. Il se transforme à volonté, court long carré. Viens avec nous chez Barba Papa. Voici venir les Barba Papa. Dans la famille des Barba Papa. Il se transforme à volonté, court long carré. Viens avec nous chez Barba Papa. Forever, we have a Bon allez, c'est pas le tout de bouffer là, mais si on faisait venir deux trois gonzesses. Sans moi, après ce que j'ai bouffé, je me sens pas de gigoter. Hein. Attendez, Seigneur Narcès, vous êtes pas... Vous êtes pas eunuque? Ben, si. Eh ben, je sais pas ce que c'est, mais ça a pas l'air marrant. Vous êtes eunuque? Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez perse. Mais quel rapport? Non, mais laissez tomber. Je suis un eunuque, perse. Mais qu'est-ce que ça veut dire, eunuque? Rien. Comment rien? Non, mais si, mais attendez, mais avec lui, faut pas commencer à se lancer dans des explications. Bon, vous connaissez le chapon? Ah ouais, c'est bon, ça. Ça a de la saveur. Bah, moi, c'est pareil. Vous avez de la saveur? Mais non! Non, mec, je vous ai dit, moi, ça fait des années que je suis plus rien. Je suis castré, comme le chapon. Je crois que je vais gerber. Bon, alors, on fait venir les poulettes ou quoi? Les poulettes, c'est un rapport avec le chapon? Mais non, mais faites péter de la femme, là, qu'on finisse pas la soirée comme des pédales. Bon, alors attendez, parce que déjà, les poulettes, il suffit pas de les appeler par la fenêtre. Bah, il doit bien y avoir 2-3 cagodes à la taverne, mais enfin, faut voir les engins. Hein. Bah, d'après ce qu'on m'a dit, ça vous empêche pas de taper dedans, d'habitude. Bah, justement, j'en ai marre. Bref, mettons que je trouve. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Bah, à votre avis, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Ah, c'est ce que je vous demande. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Bah, vous me faites marcher ou quoi? Je vais pas vous faire un dessin. Ah, bah, j'avoue que ça m'aiderait parce que j'arrive pas à me faire l'image là. Ah, je vois ce que vous voulez dire, c'est parce que je peux pas. Bah, oui, c'est-à-dire, quand même, dans ma tête, ça joue un peu, oui. Bon, ce que je fais en général, je regarde les autres. Les autres? Bah, oui, les autres. Et ce soir, par exemple, c'est vous. Bon, alors, elle est où cette taverne là qu'on aille un peu chercher les dames là? Non, là, ça, je crois que ça va pas être possible. Mais allez, mais moi, je repars en guerre demain contre les Visigoths. Faut bien que je me divertisse. Ah non, justement, il faut vous reposer, hein, pour être d'attaque demain. Attendez, un Dux Bellorum légendaire comme vous, vous allez pas arriver sur le champ de bataille avec les yeux jusque-là, si? C'est vrai que pour un type castré, on entend drôlement parler de vous. Il paraît que comme général, vous êtes un vrai chapon. Un vrai champion. Ouais, c'est ce que me dit mon connard d'empereur à Byzance. Justinien, soi-disant que comme je peux pas avoir d'enfants, j'ai pas de descendance à assumer, et du coup, je suis plus doué pour la guerre. Parce que moi, ça me fait rien de mourir. Ah, parce qu'en plus, vous pouvez pas avoir d'enfant? Allez, quoi? Un beau geste? Non, n'insistez pas, c'est non. Mais qu'est-ce que vous faites alors? Vous allez vous coucher alors? C'est ça, on va tous se coucher. Même moi? Surtout vous. Bon, ce soir, vous dormez avec la reine ou avec une autre? Avec une autre ce soir, pourquoi? Y a un trou à la serrure? Ah non, mais ça va bien maintenant! Vous n'avez qu'à y aller tout seul à la taverne, ça vous détendra! Mais tout seul et je peux rien faire! Mais c'est triste, mais c'est quand même pas de ma faute à moi! C'est pas moi qui vous ai castré, si? Non. Bon, c'est pas lui. Ah bah non. Bon, si ce soir vous allez voir une maîtresse, je peux aller voir la reine, moi. Pourquoi faire? Bah, à votre avis. Bah, pour discuter, j'ai pas sommeil. Vous êtes vraiment eunuque, hein? Parole d'homme. Bon, bah oui, vas-y. Sympa. Bizarre comme soirée, non? Ça aurait pu être beaucoup plus bizarre, croyez-moi. Ah bon? Vous auriez peut-être préféré que vous et moi en fasse des saloperies avec les cagottes de la taverne pendant que l'autre général byzantin nous reluque. Ouh la vache, j'avais pas compris ça, moi. À force de jamais rien comprendre, un jour il va vous arriver des bricoles là-haut. Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout. I may make you feel that I can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. So you ride your sails over the fields, and you make all your animal deals, and your wise men don't know how it feels. Thick as a brick. And the sandcastle virtues are all swept away in the tidal destruction, the moral melee. The elastic retreat rings the close of play. As the last wave uncovers the new-fangled way. But your new shoes are worn at the heels, and your suntan is rapidly peeled, and your wise men don't know how it feels.

family is booming with authority, a building castles by the sea. It is a tardy time to watch them all aside. We'll be right back. Comic paper idol, who lets you bend the rules? your comic book, your super crooks, and show us all the way. Well, make your will and testament. I want you to join your local government. Well, I'm Superman for president. Let Robin save the day. You put your bet on number one and it comes up every time. The other kids have all backed down and they put you first in line. So you finally ask yourself just how big you are. And you take your place in a wiser world, a bigger moon to cause. Now you want it from the collar. Of the Boy Scout manual.